Demain c'est décidé, on part en voyage. Depuis ce matin, on prépare les bagages. Alors chacun s'affaire, le nez dans ses affaires, préoccupé de ne rien oublier. Chaque valise est maintenant fermée. Mais à mon avis, ça ne fait que commencer. C'est quand tout est fini, que le coffre est rempli, qu'on trouve toujours quelque chose à rajouter. C'est toujours quand j'ai fini de remplir le coffre de l'auto. Toujours. Alors tu comprends, quand c'est comme ça, moi je suis bien obligé. Mais de quoi ? De redéfaire ce que j'ai fait. De ressortir tous les paquets, toutes les valises et tous les jouets. Pour pouvoir tout casser, je dois recommencer. Et je remets la valise au marron et le coffre à jouer dans le fond. Une paire de chaussures, le sac de nourriture, sans oublier le ballon de Gaston. Ça ne tient pas, je vais m'énerver. Y a pas de place pour le lit de bébé. Il reste quatre valises, le landau d'Héloïse, quand maman vient pour nous annoncer. Si on pouvait juste... On pourrait pas emmener la table à repasser ? Je vous l'avais dit. Je redéfais ce que j'ai fait. Je ressors un à un tous les paquets, toutes les valises et tous les jouets. Pour pouvoir tout casser, je dois recommencer. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non. Non, non. Non, non. Oh, non, non. Non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je crois que j'ai trouvé la solution. L'année prochaine, on achète un camion. Avec deux, trois étages réservés aux bagages. Et l'on pourra emporter la maison. Dans tout malheur, il y a une part de veine. Heureusement qu'on s'en va qu'une semaine. Si on partait de moi, vraiment je ne sais pas. Si vous avez une idée, dites-la moi. Non, non, mais à chaque fois c'est pareil. Il est tout le temps en train de vous spéquer. Mais non, mais pourquoi ? Pour ne pas redéfaire ce que j'ai fait. Ne plus ressortir tous les paquets, toutes les valises et tous les jouets. Mais ça n'a pas d'importance, demain c'est les vacances.